Chapitre 7. Sur ces paroles de l'épouse dans le Cantique des Cantiques. Soutenez-moi avec des fleurs, et donnez-moi quelques fruits à manger pour me fortifier, car je tombe dans la défaillance, et je meurs d'amour. Que dans les grands ravissements l'âme tombe dans une telle défaillance, qu'elle paraît prête à se séparer du corps, ce qui lui fait demander qu'on la soutienne avec des fleurs. Que ces fleurs sont les désirs de faire de grandes actions pour le service de Dieu, et pour l'avantage du prochain. Que l'action et la contemplation marchent, en cela, de compagnie. Que l'amour désintéressé est représenté par l'arbre céleste, c'est-à-dire la croix, dont il est parlé dans ce cantique, et que les fruits de ces arbres, sont les travaux et les persécutions. Sur ces paroles de l'épouse lorsque l'excès de son bonheur, l'a fait tomber dans la défaillance, soutenez-moi avec des fleurs, etc. Oh, que ces divines paroles montrent bien la vérité de ce que je dis. Quoi, sainte épouse, les douceurs et les consolations, dont vous jouissez vous font mourir, parce qu'elles sont quelquefois si excessives, et vous réduisent en tel état, qu'il semble qu'il ne vous reste plus de vie, et vous demandez des fleurs. Mais quelles fleurs désirez-vous ? Des fleurs sont-elles donc propres à vous retirer d'une telle extrémité, et ne les demandez-vous point plutôt pour avancer votre mort, puisqu'en l'état où vous êtes on ne désire rien tant que de mourir? Cela ne s'accorde pas avec ce que vous dites, que l'on vous soutienne avec ces fleurs, puisque ce terme de soutenir marque, plutôt que vous voulez vivre pour servir ce divin et pour à qui vous êtes si obligé, que non pas que vous voulez mourir. Ne vous imaginez pas, mes filles, qu'il y ait de l'exagération en ce que j'ai dit, que l'âme tombe alors dans la défaillance, et paraît prête à se séparer de son corps. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus véritable, car l'amour est quelquefois si violent, et domine de telle sorte sur les forces de la nature, que je connais une personne qui, étant dans cette sublime raison, entendit un chant si mélodieux, qu'elle croit que, si elle continuait davantage, l'excès du plaisir qu'elle ressentait lui aurait sans doute fait perdre la vie. Mais notre Seigneur le fit cesser, et cette personne serait morte en cet état, sans dire une seule parole pour l'en prier, parce qu'il lui était absolument impossible de faire aucune action extérieure. Ce n'est pas qu'elle ne connût le péril où elle était, mais elle ne le connaissait qu'en la même sorte, que l'on se trouve en dormant d'un profond sommeil, dans une grande peine dont on désirerait extrêmement de sortir, sans que l'on puisse néanmoins, pour la déclarer, proférer. Er une seule parole, quelque désir que l'on en ait. Il y a toutefois cette différence, qui si l'âme ne voudrait pas sortir de cet état, et que son contentement est si grand, qu'au lieu d'appréhender la mort, elle la désire. Qu'heureuse serait cette mort qui ferait qu'une personne, par l'ardeur de son amour pour son Dieu, expirerait entre ses bras, et cet amour est si violent, que si cette suprême majesté, ne faisait connaître à l'âme qu'il est agréable qu'elle vive encore, la faiblesse de la nature ne pourrait supporter sans mourir une joie si excessive. Que ces fleurs sont le désir de faire de grandes actions pour Dieu et pour le prochain. C'est aussi pour modérer cette excessive joie, que l'âme prie qu'on la soutienne avec des fleurs, et celles qui naissent sur la terre, n'ont rien de comparable à l'odeur et à la beauté de ces admirables fleurs, parce que, selon que je le puis comprendre, elles ne sont autre chose que les désirs qu'a l'âme de faire de grandes actions pour le service de Dieu, et pour l'avantage du prochain, son amour étant si désintéressé. Et sa charité si ardente, qu'elle ne craint point, pour de tels sujets, d'être privée du merveilleux plaisir dont elle jouit. Car, encore que ces fleurs marquent plutôt la vie, active que la contemplative, et qu'il semble que l'âme ne peut s'occuper à l'action, sans sortir de la contemplation, notre Seigneur ne laisse pas de lui accorder sa demande. Ainsi ces deux choses ne sont pas incompatibles, et Marthe et Magdeleine vont presque toujours à l'ordre de compagnie, car l'intérieur opère dans les œuvres extérieures, et quand les actions tirent leur force d'une racine si sainte, on peut les concilier. Air est comme des fleurs admirables produites par cette plante toute céleste de l'amour de Dieu, puisqu'elles n'ont point d'autre objet que lui, que nul intérêt humain ne s'y mêle, et que leur odeur, comme un parfum précieux, se répand si loin, et a tant de vertus, qu'il ne réjouit pas seulement plusieurs autres âmes, mais les fortifie. Je veux m'expliquer davantage. Un homme prêche avec dessein de profiter à ses auditeurs, mais il n'est pas si détaché de tout intérêt, qu'il ne désire aussi de leur plaire, et d'acquérir de la réputation, et du crédit s'il a quelques bénéfices qu'on lui dispute. Il en est de même de plusieurs autres choses, qui se font pour l'avantage du prochain et avec bonne intention, quoiqu'avec beaucoup d'égard à ne se point nuire, et à ne mécontenter personne. Que si ce prédicateur est persécuté, il est bien aise de plaire au roi, au grand et généralement à tout le monde. Il couvre ses imperfections du nom de discrétion, et Dieu veuille que cette discrétion soit véritable. Quoique ceux qui sont dans ces dispositions puissent rendre quelque service à Dieu et au prochain, ce ne sont pas là, à mon avis, ces fleurs que demande l'épouse, et dont le seul objet est l'honneur et la gloire de Dieu. Les âmes qu'il met dans un état aussi élevé que celui dont nous avons parlé, s'oublient au contraire entièrement elles-mêmes pour elles. Peut songer qu'à le servir, et parce qu'elles savent quel est son amour pour ses créatures, et pour ceux qu'il considère comme ses enfants, elles consentent d'être privées des faveurs pour ne penser qu'à leur profit et en les instruisant de ses vérités. Leur avancement dans la vertu est la seule chose qui les touche, et elles donneraient volontiers leur vie pour ce sujet. Cette ardente charité se peut comparer à un vin céleste, dont elles sont si enivrées qu'elles oublient tout, ce qui les regarde en particulier, et c'est par cet heureux oubli d'elles-mêmes qu'elles se trouvent capables de profiler aux autres. Cela me fait souvenir de cette sainte Samaritaine, parce qu'il paraît clairement que les paroles de notre Seigneur avaient fait une merveilleuse impression dans son cœur, puisqu'elle le quitta lui-même, pour rendre ses concitoyens participants de son bonheur, et que sa charité fut si bien récompensée par l'avantage qu'ils tirèrent d'avoir ajouté foi à ses paroles. Car quelle plus grande consolation pouvons-nous recevoir en cette vie que de servir à l'avancement de quelques âmes? C'est alors qu'il me semble qu'il distille de ces fleurs un succès délicieux, qu'il n'y a point de fruit dont le goût puisse être plus agréable. Heureux ceux à qui notre Seigneur fait de telles grâces, et quelle obligation n'ont-ils point de le servir, puisque vous voyez, mes filles, que cette sainte femme, pour en avoir reçu une semblable, est dans une ivresse toute divine qui l'a fait courir de rue en rue et de place en place pour publier, avec une voix mêlée de cris, les merveilles qu'elle a entendues. Ce qui m'étonne en ceci est que peu ses concitoyens l'aient cru, n'ayant point d'apparence qu'allant elle-même quérir de l'eau, elle fut de grande condition. Mais elle avait beaucoup d'humilité, comme il paraît en ce qu'elle ne s'offensait point de ce que notre Seigneur lui dit ses fautes, ainsi que l'on s'offense aujourd'hui quand on nous dit nos vérités. Elle lui répondit seulement qu'il fallait qu'il fût un prophète, et elle mérita par cette humilité que plusieurs personnes sortent de la ville sur ses paroles pour aller voir notre Seigneur. Il en arrive de même, ce me semble, à une personne, lorsqu'après avoir durant plusieurs années parlé à ce divin sauveur dans l'oraison, sans que ses faveurs et l'extrême plaisir de s'entretenir avec lui l'aient empêché de le servir avec joie en des occupations pénibles, ces actions qui ne sauraient procéder que de la céleste plante de cet ardent amour dont j'ai parlé, peuvent être considérées comme des fleurs, dont l'admirable odeur dure beaucoup plus longtemps, et produit d'incomparablement plus grand effet que les paroles et les œuvres de ceux qui, n'ayant en vue que leur intérêt, ne disent et ne font rien qui, quelque vertueux qu'ils paraissent, ne soit mêlé et infecté par des sentiments d'amour-propre. Que cet amour si désintéressé est l'arbre céleste, c'est-à-dire la croix, qui produit les fruits dont l'épouse parle ensuite. Et que ces fruits sont les travaux et les persécutions. C'est cet amour entièrement désintéressé qui donne la force de souffrir les persécutions. C'est lui que l'on doit considérer, comme cet arbre céleste qui produit les fruits, dont l'épouse parle ensuite lorsqu'il dit, « Donnez-moi des fruits dont la nourriture me fortifie », c'est-à-dire, « Donnez-moi, Seigneur, des travaux et des persécutions. » Car il est certain qu'une âme qu'il a élevée à cet état, les désire et en tire de grands avantages, parce qu'elle ne trouve de plaisir, qu'à lui plaire et à imiter en quelque sorte, la vie si extrêmement pénible qu'il a passée sur la terre. Ainsi il paraît que cet arbre, n'est autre chose que la croix, puisque l'époux dit dans un autre endroit de ce cantique, « En a été dessous cet arbre que je vous ai ressuscité. » Quelle consolation ne doit donc point espérer une âme qui souffre de grandes peines, et qui se trouve tout environnée de croix, elle ne jouit pas pour l'ordinaire du contentement, qui se rencontre dans l'oraison, son plaisir est dans la souffrance. Mais cette souffrance ne l'affaiblit point, au lieu que la suspension des puissances dans l'oraison, lorsqu'elle est fréquente, épuise ses forces. L'âme a encore une autre raison de demander de ses fruits qui sont les travaux, c'est qu'il n'est pas juste qu'elle reçoive toujours des faveurs de son divin époux sans travailler pour lui rendre du service. J'ai remarqué en quelques personnes, dont nos péchés font que le nombre en est si petit, que plus elles s'avancent dans cette sublime raison, et reçoivent des faveurs de notre Seigneur, plus elles travaillent à servir le prochain, principalement en ce qui regarde le salut, et qu'elles donneraient leur vie avec joie pour tirer une âme de l'état funeste, et si déplorable du péché mortel. Je sais qu'il serait difficile de persuader cette vérité aux personnes que notre Seigneur commence à favoriser de ses grâces qui leur donnent tant de joie, et elles s'imaginent peut-être que les autres sont à plaindre, parce qu'il leur paraît que nul bonheur n'égal celui de jouir d'une si grande consolation dans la retraite et la solitude. C'est, à mon avis, par une conduite particulière de Dieu que, dans la ferveur où elles sont, elles ne comprennent pas quelle est la perfection de ces autres âmes, puisque, si elles la comprenaient, elles désireraient de sortir des dispositions où elles sont, pour devenir semblables à elles, ce qui leur serait préjudiciable, à cause que, n'étant pas encore assez fortes, le besoin qu'elles ont d'être nourries du lait de ces mamelles sacrées dont j'ai parlé, fait qu'elles ne doivent pas s'en éloigner, et notre Seigneur saura bien, quand il en sera temps et qu'elles en seront plus capables, les faire passer de l'état où elles se trouvent à un plus parfait. Mais comme vous pourriez, mes filles, voir, très particulièrement dans le traité que j'ai dit, combien il est dangereux de se trop précipiter, et de quelle sorte on se doit conduire dans le véritable désir de servir des âmes, je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet. Je n'ai prétendu par cet écrit que de vous faire connaître les consolations que vous pouvez tirer de quelques-unes des paroles de cet admirable cantique, et de vous découvrir une partie des mystères qu'elle cache sous une obscurité apparente. Ils sont si grands, que je ne pourrais sans témérité m'engager plus avant dans ce discours, et je prie Dieu de tout mon cœur qu'il n'y en ait point lieu à dire ce que j'en ai dit, quoique je ne l'ai fait que pour obéir à ceux qui ont pouvoir de me commander. Notre Seigneur se sert de tout comme il lui plaît, et s'il se rencontre quelque chose de bon dans ce discours, vous pouvez croire hardiment que je n'y ai aucune part, puisque les sœurs qui sont avec moi savent le peu de temps que mes grandes occupations m'ont permis. Est-ce d'y employer? Je demande de tout mon cœur à ce divin époux de nos âmes de me faire connaître par ma propre expérience, tout ce que j'ai tâché de vous faire entendre. Celles qui croiront en avoir quelqu'une doivent beaucoup l'en remercier, et le prier qu'après leur avoir donné une oraison si sublime, il ajoute à cette extrême faveur, celle de n'en profiter pas seulement pour elle-même, mais de la rendre utile aux autres par des actions de charité. Je lui demande instamment pour elle cette assistance, et qu'il lui plaise de leur apprendre ce qu'elles doivent faire pour accomplir en toute chose sa sainte volonté. Ainsi soit-il. Sainte Thérèse d'Avila. Pensez sur l'amour de Dieu. Marc Emdan, wordpress.com, d'après, abbé Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons. pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.